craque un vieux chêne. Une branche guitare et puis l'autre tempo. Mes feuillages aux cheveux électrisés de haine extrairont la lumière du fond de vos yeux clos. Ma voix frôle vos ventres, caresse douce amère. La clarté vient de lui, vieux complice néon. Et les accords plaqués sur son accordéon me remontent à la gueule comme un paquet de mer. Avec cette santé qui nous tient d'alibi, nous venons piétiner vos plates-bandes habitudes pour vous faire un jardin de musique et de cris, pour que l'ennui se meure de notre latitude. En gestation au creux de mes tripes, méfiance, un carnaval de sons, de mots et de silence naîtra de ma poitrine, mes doigts mêlés, pour peu que le bonheur glisse dans la mêlée. On est venu vous voir pour vous étreindre en somme, un bras mélancolie, un autre à contre-temps, pour se faire applaudir, vieux cabot que nous sommes. On va réinventer l'imprudence à l'instant. Je chante désormais comme sans violoncelle. Tempo, tempo, tempo, guide mon cœur arché. Pour se faire plaisir, pas besoin de chercher. Ça fait déjà un bail qu'on connaît les ficelles.